Ça commence, c'est le bordel. Vous le savez, il est 20h et quelques secondes. C'est le début de Pyongyang City Rockers numéro 272. On sait pas encore à quoi s'attendre. Aussi, on sait à quoi s'attendre vu que les quatre membres de Jodie Foster sont déjà parés en face de leur micro avec leur casque sur leurs oreilles ou presque. Ils nous ont préparé plein de choses à passer, plein de musique. Beau, ils ont aussi plein d'anecdotes pour nous causer beau, hein, ouais. De leur tournée américaine où ils ont vu plein d'Américains. Et puis pour l'instant, j'ai une nouveauté à passer absolument ce soir, une compilation yougoslave sortie sur un label berlinois nommé Egoton. Ce sont des groupes de Belgrade et Novi Sad essentiellement, dont les très connus Versinjko Nasilje. Cette compilation est sortie, on a déjà passé ici. Cette compilation est sortie le 20 novembre à 50 exemplaires cassettes, donc elle est déjà épuisée. Forcément, par contre, vous pouvez vous rabattre sur le egoton.bandcamp.com, ouais, pourquoi pas. Ma sélection ce soir, je vais vite parce qu'après ça, on va leur laisser la parole et puis nous on se casse. On va vite aussi. Ma sélection sur cette compilation dont je n'ai pas encore donné le titre, ça, Groblier Illusia, ça veut dire la fin des illusions, je crois. Ma sélection, c'est un groupe vraiment yougoslave puisqu'il est basé entre Novi Sad en Serbie et Osijek en Croatie. Est-ce qu'il est basé Non. Ce groupe s'appelle Smertrazuma. Et puis ensuite, on enchaînera avec un deuxième groupe, mais de Belgrade, donc purement serbe, qui s'appelle Svilak. Pour l'instant, voici Smertrazuma avec Prodano Zanishta et ensuite Svilak qui font Kraï. We'll be right back. bien ça, dis donc. Pour trouver ça, c'est egoton.bandcamp.com. Et puis c'est la première compile, ça s'appelle Groblier Illusia. C'est ça. Voilà. On continue. Dans la semaine dernière, je vous avais promis deux morceaux de, en exclusivité du nouvel album de ce groupe barcelonais fondé en 2018 qu'on appelle Bait, B-A-I-T. Et la semaine dernière, je vous avais passé le morceau Inevitable War. Et cette semaine, nous allons entendre avec joie, bonheur et délectation le second morceau. C'est les membres de Jody Faster. Ouais. De quoi ? Joie, bonheur et délectation, c'est les membres de Jody Faster. Bien évidemment, bien évidemment. Surtout délectation. Et du coup, ce deuxième morceau s'intitule Central Management et donc il parle un petit peu de comment on dit de syndicalisme, de prolétariat, de choses comme ça. Bref, je vous en dirai tout, un petit peu plus. Pour tous nos amis de la CGT alors. C'est ça, c'est dédicacé à nos petits copains qui font l'émission avant nous, c'est ça. Ouais. Big up, allons-y. Nos titres et puis maintenant c'est le tour de Jody Faster, ils sont même pas dans le studio, ils sont même pas arrivés, ils viennent avec des connettes, s'il vous plaît. J'étais quand même à la technique, c'est vrai. Je suis carrément la perso. Je suis carrément là aussi. C'est dans le studio que je cherche pas. Ah, ça pique, ça pique. Ça va. Vous n'étiez pas là tout le temps. Ah, oh, ça me rappelle mon chat. Silence là, les gars, s'il vous plaît. Ça va. On n'a pas le temps. Vous n'étiez pas là tout le temps. Vu que vous fites une tournée magistrale triomphale, voilà, dans l'ouest des États-Unis. Avec délectation. Et là, je vois, il y a une feuille là, qui a été imprimée vraiment magnifiquement. Ouais. Sur laquelle il y a une playlist. Ouais, une playlist de quoi, en fait, pour expliquer ce que vous avez préparé pour aujourd'hui, puis de quoi on va causer. Et qui a préparé? On a tous préparé, c'est parce que... C'est un travail de l'équipe. Si on n'était pas tous partis aux États du States, on n'aurait pas pu préparer ça. Les États du States. Bonjour, on s'appelle Jody Faster. En tout cas, je crois que... Ah ouais, non, alors, hop, c'est la radio. on vous a ramené une petite liste là-bas, parce qu'on est allé faire un petit tour là-bas. Tu parles, là, c'est Ripoll, c'est le batteur. Mais oui, mais j'étais là la semaine dernière, en fait, pas sans nom. Ouais, mais t'étais pas là en tant que Ripoll, batteur de Jody Faster. Arrête un petit peu. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais oui, voilà, on revient des États-Unis, on a fait un petit tour, on a bien rigolé, on a vu plein de groupes, et on a écouté plein de groupes, et on est venu vous en parler, ainsi que deux, trois anecdotes concernant des drogues douces totalement légales. Là-bas, on a le droit. J'avais le droit là-bas. Bon, grosso modo, si vous n'aimez pas le grind, vous pouvez partir. Parce que ça va être du grind. Ça, c'est Clément. Voilà, salut, bisous. Merci. En même temps, on voulait des groupes de punk, mais on n'en a pas trouvé. Donc, Et puis, il y a un groupe de... Ça devait être bien, cette tournée. Et ça n'existe plus, le punk, aux USA. Si, mais... Alors vas-y, anecdote marrante, on s'est retrouvé à jouer au Hippie Museum. Hippie Museum, ouais. Et alors il y a quoi dedans? Eh ben il y a beaucoup de tentures $150,000. Il y a des costumes à $150,000, des tentures tie-and-dye dont une a appartenu à comment il s'appelle, Jésus. Mais non, un mec qui est mort. Bob Dylan. Il n'y a rien qui va dans un mec qui est mort, merci. Et du coup, il y a un gars qui, le gars qui a fait le son, il est à la fin, il mort. Nous a dit ah ouais, bah, moi j'écoute de tout. Hein. Moi chez moi, j'ai des disques de métal, des disques de rock, des disques de punk et tout. Et puis, du coup, il me fait ouais, en tout cas, je suis content que vous soyez venu parce que au moins, ça me permet de rester un peu au fait de à quoi ça ressemble le punk aujourd'hui. Bah, ça sonne comme du speed metal, hein. Voilà, les gens sont là, voilà. Et du coup, de ce jour-là, c'était le 25 octobre dernier à Eugene, et c'était bien, mais on n'a pas de musique de groupe avec qui on a joué là-bas, même si c'était Eugène. Même si c'était plutôt cool. En même temps, le musée hippie de Eugène, ça pouvait pas bien se passer. Ouais. Clair. Du coup, à la place, moi, je propose qu'on écoute un des rares groupes de punk rock de la liste. Allez. Enfin, en tout cas, sur le. Ouais, si tu commences par le seul groupe de punk rock, ça va vraiment faire une grosse demi-heure de grind derrière. Ça va être super. Vous allez parler entre temps. Le premier soir, on a joué où On a joué à Fullerton. Fullerton, bien, ouais. Dans un skate shop. Dans un skate shop, ouais. Où on pensait que les gens allaient être sages, et en fait, non. Pas du tout. C'est-à-dire, pensais que ça allait être sage Je sais pas, on s'est dit un magasin. Un magasin où les gens ils ont tout cassé. Le proprio du magasin laisse les clés et se casse. Mais du non. Coup, t'es dans un magasin et c'est géré par des gens qui ont moins de 20 ans. Mais non. Autant dire que JJ n'a pas eu le temps de demander un circle pit. Ah non. Il était devancé. Et ce soir-là, on est tombé sur un groupe qui s'appelle Nut ou ouais. Nut, on ne sait pas trop comment ça se passe. Nut. Un groupe de Buena Park, donc en Californie, évidemment. C'est un groupe avec des jeunes gens. Hein. Ça a commencé là, la découverte, la rencontre avec plein de jeunes gens qui rigolent pas. Ouais, on peut quand même déjà d'ores et déjà dire que la scène de punk hardcore aux États-Unis, c'est très très jeune et c'est très très très, très féminin. Enfin, la scène qui et gagne alors. Pas de sous, quoi. Ouais. Enfin, les copains de Zico Fidol. Ouais, on sait. Oui. Oui, ça, c'est pas des punks, ça. Voilà. Mais en tout cas, ouais, gros délire, quand même. Et puis, ils sont New York. En plus. C'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Amérique. Je croyais qu'on était dans la pays. Aux Amériques. Bon, allez, note. Note avec Malcolm X, Was a Pimp et Dysmorphia sur l'album Noise is Loud de 2022. Yeah. Bon, on peut rester en ligne, je crois. Vous êtes toujours sur le 106,6 campusti.com. Putain, 14:37, bien joué. Voilà. L'air voix de voilà. Tourner dans yeah, le skate. Yeah. Ah ouais. C'était net. Direct. Et bah c'était bien. C'était et vraiment du tréma TT, c'est ça? C'est ça. Mais vu que j'ai plus de clavier, on voit pas le tréma sur la feuille de route. Mais c'est ça. Moi je la vois. Okay. Ah oh, bon. Oh. Le lendemain, on est parti à San Diego. Du coup, frontière mexicaine quasiment. Et on a joué dans un. Dans un cash converteur. Ouais. En vrai, c'était un magasin de disques, mais ils vendaient aussi. À part jouer dans des shops, vous avez fait d'autres trucs. Ouais, attends. Moi, j'ai vu un concert dans un centre ésotérique, mec. Ouais, attends. Un centre aéré, vous avez fait. Franchement, le hippie museum, on n'était pas loin du centre ésotérique. C'était aéré, on peut dire. Ouais, non, du coup, San Diego, on a joué au Red Brontosaurus et c'est tenu par un mec qui a joué dans Oxymoron. Voilà. Ça me parle. Et on a bien vu ce soir-là que Lions Law et Gomin Internsect avaient tourné pas longtemps avant parce qu'ils ont tous acheté des t-shirts, mais là. Ils pensaient nous faire plaisir. On a mis des t-shirts de groupe français. Oui, ça fait plaisir à Ripoll. J'en ai profité, moi, pour leur dire c'est marrant que vous connaissiez autant de groupes français parce que moi, les groupes américains, j'en connais aucun. Tellement loin que je n'ai jamais entendu parler. Et voilà, et c'était pas là où frient les groupes ce soir-là. Donc on n'a pas de. Il y avait un groupe cool, un duo avec deux jeunes. Oui, qu'on a revu à la fin à Vegas. Ouais, c'était assez cool, mais j'ai rien Vegas, trouvé. Ouais. Ça s'appelait Swamp Brain. Et c'était sympa, mais j'ai rien trouvé. Du coup, on passe tout de suite au lendemain. À Los Angeles. Los Angeles, ah, California. Le concert, ouais. Ah, si on va aussi vite que ça, ça va être encore plus court que les concerts. Ouais, mais il y a certaines dates où il y a plus de trucs à raconter quand même. C'est vrai, c'est vrai. On va revenir sur d'autres trucs. Alors à Los Angeles, on est tombé dans un. Mika, tu veux dire un truc au fait Non, Mika, il dort. Bonsoir. Ouais. Il a partiré son manteau, il est comme les élèves, genre, Balek, je retirerai pas mon sac, je retirerai pas mon manteau, vous me faites tout chier. À Los Angeles, on a passé 4 heures à aller chercher l'étoile de Jodie Foster sur le Hollywood Walk of Fame. Et une fois qu'on l'a trouvé, on est parti dans South Central pour le concert. Autant dire qu'on a changé d'ambiance drastiquement. Mmh. Même s'il y avait quand même des craquettes aux deux endroits. Donc c'était quand même. Et on s'est retrouvé dans un garage à l'arrière d'une maison. Et il y avait un squelette géant peint en argenté. Oh oui, est-ce qu'il y avait des paillettes ? Il y avait des paillettes à fond. Oui, plutôt brillant, effectivement. Ouais, il y avait, je sais pas, 150 jeunes dans le truc. Il y avait des gens qui vendaient des ballons de gaz hilarant. Ils sont arrivés avec des bonbonnes. On appelle ça du protoxyde d'azote. Exactement. Ouais, voilà. Et ben des bonbonnes comme as, $1 le ballon. Je peux vous dire que y a un guitariste de Jodie Foster qui disait je vais payer longtemps. Mais je dirais pas qui. Je dirais pas lequel. C'est pour ça qu'il a encore rien dit. Il est encore tout rouge. En tout cas, il sourit. En plus, il sourit vachement par rapport à l'habitude. Et là, mais tout ça, c'était que le début. Il savait pas tout encore. Et là, c'était quand même bien la folie cette date-là parce que c'était un peu trop violent en vrai. C'était super violent. C'était vraiment très très violent. On a eu peur. Étonnamment violent. Petite anecdote, il n'y avait pas de grosse caisse. Il y en avait une, mais il n'y avait pas de grosse caisse. Cette phrase sortie du contexte est fabuleuse quand même. Ouais. Il n'y a pas de grosse caisse. Mm-hmm. Et du coup, il a pris un tom basse pour grosse caisse. C'était juste pour le geste. Hein, ils en revenaient pas. Ça marche. Ça aurait bien marché si Mika il avait pas mis le micro dessus et qu'on n'avait pas entendu boum à chaque bout. Quoi. Ça, c'est pour le côté ésotérique. Bah, heureusement qu'il y avait vraiment un bon son de basse pour rattraper tout ça. Parce que oui, si seulement. Mais ouais, on a bien rigolé. Et là, pour le coup, on a joué avec plein de gens qui quand même faisaient bien le rock. Et du coup, je vois que. Ah ouais, t'as tout mis là. C'est vrai que là, on s'est quand même pris une paire de branlées ce soir-là. Et on s'est. Et alors, ouais. Et on a vu la nuit de Los Angeles aussi, la nuit qui tombe jamais en fait. Ouais. C'est quand même un truc de ouf Los Angeles, c'est vraiment Babylone. Hein. Ouais. C'est plus Babylone que Los Angeles, il y a Las Vegas, mais quand même, Los Angeles c'est bien Babylone. Quoi. Je les vois déjà s'énerver derrière leur poste de radio, on parle de Los Angeles, hein, ouais. Pas Jean Goël. Voilà, merci. Ah. Et du coup, alors on a vu, vas-y tu veux annoncer. Là on a vu des groupes avec lesquels on a fait quelques dates après ça, du coup peut-être on peut en reparler, là j'ai envie de mettre Sheet Brains direct, parce que c'était vraiment, ils nous ont emmerdé le cerveau, on peut le dire, mais dans le bon sens du terme. Le morceau de Sheet Brains que j'ai choisi s'appelle Rotten Onion, Jérémy. Oui. Je te le dis parce que je sais que t'aimes les oignons. Et ça vient d'un split avec Control Existence, avec qui on avait joué sur notre toute première tournée. Un groupe en tchèque qui défonce aussi bien. Avec des membres de Sig Gorsuffer et plein de trucs. Enfin, place au grindcore avec Sheet Brains. Ne vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Après l'émission Supercross, l'émission Super Grind. Génial. We'll be right back. mais... C'est le Graal. C'est fini, mais il y avait quand même une petite outro de blast et de cris. C'est ça qui est bien. Hein. C'était super. Je pense, si je me souviens bien de la discussion, ces gens-là, vous pourrez les voir à l'Obscene in Extreme cet été, enfin l'été prochain, pardon. On a fait tout ce qu'on a pu pour les ramener à Lille, mais ils n'avaient pas l'air convaincus par le routing. Attends, ils font Obscene in Extreme, la Troute Nove, et après ils vont au Chimpy Fest. Ouais, mais en Angleterre, ils peuvent quand même s'arrêter c'est à Lille. C'est quand au même. Milieu. Bah ouais. De toute façon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a plein de groupes qui viennent. Hein. C'est parce qu'on est au milieu. Il y a un mois surtout entre les deux, donc. Ils font deux tournées en deux mois en Europe. Bon, bah, on aura essayé quand même. Et c'est un couple et c'est vraiment trop bien. En concert, c'était quand même vraiment la folie. Ils ont l'air vraiment très très gentils. Et ensuite, on est allé à Berkeley. Berkeley. En 924 Gilman. Alors. Et vous êtes premier avec votre petit suite. Non. On n'a pas vu Operation Ivy ni Green Day non plus. C'est curieux. Ah oui, pourtant il y avait il y avait un message super chelou qui était écrit au-dessus de sur la scène, au-dessus de la scène. Il y avait un truc Green Day a fait le générique de je sais plus quel film parce que je sais plus qui a dit non. Oui, c'était trop bizarre. Bon bref, c'est bizarre. C'était juste derrière le panneau stage dive interdit. Mais en même temps, apparemment, Billy Joe, il paye pour toute la sono et toutes les likes tout le temps. Donc, bon. Ouais, apparemment, Billy Joe, il lâche des thunes à Gilman, il est sympa. Voilà, et du coup, Gilman, on a joué à 15h et c'était nul. Ouais. Parce qu'ils appellent une matinée, c'est ça ouais. Puis on n'était pas très en forme, hein. Sacramento, c'était Sacramento. Non, c'est parce qu'on a voulu faire la fête à LA. On a voulu faire la fête à LA et puis du coup, on devait retourner à Orange County pour après conduire. On a dormi 2 heures ce soir. Les distances, parce que là, tu dis Berkeley, machin, c'est quoi? Pour l'instant, ça va encore. C'est 1 km, tu sais, c'est comme quand t'es au bord de Fives. Alors le truc, c'est que nous, notre camp de base sur la première semaine, c'était à Orange County et du coup, c'est quand même plus ou moins la Californie du Sud et du coup là, la veille on était à Los Angeles donc on était monté 2 heures au nord, on est revenu dans la nuit pour redormir à Orange County et on est reparti à Berkeley et là il y avait 7 heures de route parce que Berkeley c'est la baie de San Francisco, c'est à partir de là que ça commence il y aura un maximum 10 heures pour traverser la Californie c'est ça on est bon, on a fait 2 fois en 24 heures donc c'était bien c'est un peu un tour Lille En 24 heures, Lille-Tour. Bon, en 10 heures, vu que j'ai dormi 14 heures. Mais oui, en 24 heures, c'est ça. Et du coup, ouais, bon, bah, Berkeley, je pense qu'on peut passer. Hein. C'était pas. En fait, elle était pas fou. Anecdote. Vous avez quand même joué à Gilman Street, merde. Ouais, mais il n'y avait pas Operation Ivy ni Green Day. Du coup, c'est comme le site quand il y a. Mais si, quand même, anecdote, c'est là qu'il a vraiment fallu qu'on s'achète des duvets parce qu'on n'avait pas de duvets. Et du coup, on est allé à Walmart. Et à Walmart, les duvets adultes, ils sont à 40$. Et les duvets enfants, ils sont à 10$. Et comme les enfants américains sont vachement grands, on a pris 4 duvets enfants. La photo était trompeuse quand même. C'est parce pour que toi, Sista. T'avais quand même une petite gamine qui dépassait de ça du duvet. Donc, et puis t'avais le duvet qui était. T'avais l'impression qu'il faisait 2 mètres. Bah, les enfants se font 177 cm. Ah, ouais, voilà. Pas déplié. Du coup, bon. Et ben, on a bien dormi. Et à la fin de la tournée, on a voulu les filer à 2 clodos qui nous ont fait dormir dans un squat. Mais c'est une autre anecdote. Mais ils ont dit non. Ils ont dit on n'en veut pas de vous, du fait de merde, cassez-vous. Ouais. C'était drôle. J'avais craqué quand même le premier soir. Ah ouais, merde, ouais. C'est pas cool. Ok, et après on est parti à Sacramento. Et Sacramento, par contre, c'était vachement cool. C'était sacrément bien. Sacrément bien. C'est passé combien de jours avant que ce soit cool la tournée? Le premier jour, c'était cool. Mais il est déjà 25. Alors, les trois premiers jours, c'était très cool. Non, c'est juste que Gilman, tout le monde était crevé et avait 8 heures de route ou 7 heures de route dans les. Ils sont gentils, les gens, là, Gilman. Parce que je sais pas, c'est un truc mythique. Ils sont adorables depuis que ça a ouvert. Ils sont adorables de ouf. C'est vraiment un genre de CCL. Hein. C'est que des volontaires. C'est pas du tout. Genre de mix pit CCL. Là, ça avait l'air d'une jeune bande de gens assez jeunes. Et puis, ils font 2 concerts par jour, 5 jours sur 7. Il y a des petites annonces partout. Il y a des petites annonces partout pour au cas où tu aies envie d'être volontaire, bénévole aussi. Et en vrai, le lieu il est cool. Hein, tu mets bien 250 personnes. Cool. Le lieu est super beau. C'est blindé un samedi soir, ça doit bien être la folie. Et là, pour le coup, la batterie avait une grosse caisse. Il y avait une grosse caisse et un son de basse. Ouais, ça c'était cool. Ouais. Et du coup, Sacramento, parce que quand même ça c'était cool aussi. Alors Sacramento, on est arrivé dans un premier vrai lieu punk, parce que finalement Guildman c'était un peu un musée quand même. Enfin, il y avait un côté musée pour nous. Du coup, là on s'est retrouvé. En fait, t'avais un truc, t'avais un bar où il y avait un concert de power metal. Et juste à côté, t'avais la scène, t'avais une salle qui appartenait aussi au bar, mais dans laquelle ils faisaient des concerts de punk. Et là, t'avais juste des chiottes et une sono. Et c'était cool. Et c'était vachement cool. Il y avait du monde et c'était bien la teuf. Et les Jeunes, ils étaient on fire. Et on a vu plein de groupes. Je crois que c'était la meilleure affiche de la tournée. C'était une très belle affiche. Ouais, on a bien rigolé. Ouais, on a vu là aussi des groupes qu'on avait vus soit à Los Angeles, soit la veille. Dont un des groupes qui s'occupait de l'organisation de la soirée, là, le groupe qui s'appelle Fast Case, qu'à un moment donné on va écouter dans le blog, je dis ça pour juste pour le dire. Et puis il va quand même falloir qu'à un moment qu'on parle des groupes avec qui on a fait plusieurs dates. Et du coup on avait rencontré à Los Angeles, on avait rencontré Narc de Salt Lake City. Du coup c'est un trio batterie, guitare, chant. Qui sont vraiment très gentils et qui jouent un espèce de sludge hardcore PV de Salt Lake City quoi. c'est dur à décrire et c'est bien vénère et encore ça une fois ça veut pas dire straight edge. Mais ouais. C'est la capitale des Mormons, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Eux, ils n'étaient pas Mormons. Ouais, clairement, ils n'étaient pas Mormons du tout. Et c'était pas la première, mais la chanteuse, elle a quand même Satan dans la gorge. C'était bien flippant. En fait, il semblerait que Satan possède pas mal de nanas qui chantent dans des groupes assez violents là-bas. On a pris plein de claques du genre. Vraiment. Ouais, mais on va l'entendre. Cool. Hein, si on a du coup, je pense qu'on pourrait faire un bloc pour aller boire une bière, ce serait cool. Ouais, et du coup, on pourrait mettre genre Narc et puis Bridge Dweller, un duo de Long Beach, California qui joue du grind. Ils étaient vraiment gentils comme tout. Ils avaient plus de voix le troisième jour parce qu'ils ont trop fait la fête. Ils ont pris beaucoup de ballons, on les voit sur les vidéos. Et puis on peut rajouter Fast Case de Sacramento avec le gentil bassiste qui jouait aussi dans Hong Kong Fuck You, qu'on n'a pas vu mais qui apparemment était le truc à voir à Sacramento. J'aime bien le nom. Du coup, Hong Kong Fuck You. Du coup, on commence par Narc avec deux morceaux vite fait qui s'appellent Kill Your Girl Boss et Swallow a Bullet. Ça va enchaîner direct. Après, on peut mettre direct Bridge Weller avec Search for Nothing. Et on enchaînera avec Fast Case avec les deux morceaux Existence Futile et mon titre préféré, THC Paralyzes. Et oui, vous êtes toujours sur le Pyrénées en City Rocker, on s'est fait envahir. En plus. Let's go! More than intellect to be a musician. Put your soul into it a little. Okay? Radio Campus. Oui, bon, ça rigole. 106.6. Virgule, virgule. Et vous écoutez toujours Pionyang City Rockers aux États-Unis, là, t'es en France. Merde. Tiens, vous écoutez Pionyang City Rockers, on a des cadeaux à vous faire gagner. Vous savez qu'il y a une soirée super avec 8-6 crew et puis. J'aurais pu finir ma top. Et Select. D-Day. Avec D-Day. Avec D-Day. Ça sera au Black Lab. Putain, j'en perds mes mots. Samedi prochain. On a quelques places à faire gagner aux gens qui téléphonent et à où doivent-ils téléphoner pendant les plages musicales, bien sûr. Donc ça veut dire que quand même ça va être si vous souhaitez une place pour le concert de 8-6 Crew Black Lab, ce serait le 03 622 68 918. Je répète, le 03 622 68 918. Est-ce que on n'enchaîne pas direct avec le groupe qui est juste après Fat Case là dans ton truc, comme ça on leur laisse une minute pour qu'ils appellent direct, parce que sinon ils vont oublier. Sinon, tu te désintègres au public. Et puis après, on le désannonce. Allez, ça marche. Allez. Au revoir. C'était Gozo. C'était Malicious Algorithm. C'est un groupe avec qui on a joué dans un lieu incroyable qui a même failli faire revoir la vie entière de Clément Brickman et sa carrière artistique. C'était super parce que on était chez Henri le Sauvage, qui est un club de stand-up. Un comedy club. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire des blagues. Forcément. Le gars, il tient un lieu trop cool et il n'y a que le lundi où il ne fait pas d'intervention, où il n'y a pas de spectacle ou de stand-up, ou je ne sais pas comment on dit, enfin de show, no show on Monday. Et puis il a un pote qui en fait. Lui, le batteur de Malicious Algorithm. Exactement, ouais. Il en fait, puis il lui a dit le lundi, t'es fermé, pourquoi on ne ferait pas des groupes? Il a essayé une fois, apparemment, il a vendu plein de bières, il a dit, allez, on le fait. Et c'était un espèce de... Puissante motivation, hein, quand même. Ouais, et puis le gars, ouais, c'était vraiment et puis une grosse moustache, et il était vraiment rigolo. Il nous a payé plein de bières. Ouais, ouais. C'était la première fois déjà qu'on arrivait, on avait deux jetons chacun, genre ça, c'est une bière par jeton, on était là genre, ouh, là, on est revenu en Europe. Ils sont pas comme ça Ouais, non, mais ça, on va pas en parler, parce que ça va nous énerver très fort. En plus, tu peux t'énerver, là, il reste encore 25... Non, putain, presque 20 minutes. Et tu peux t'énerver. Et c'est aussi du coup c'était un lundi dans une ville qui s'appelle Eureka et on était encore en Californie, c'était vraiment l'extrême nord de la Californie. Ouais. Et c'est de là que venait Moral Crooks, un vieux groupe. Bah tu vois, quand on était à Eureka, je t'ai dit on va croiser qui, comme quand on était à une Ting Tong Beach et tout, t'aurais pu me dire Moral Crooks. Motley Crue. Motley Crue. Franchement, je serais étonné que Motley Crue vienne de Eureka. Alors Eureka, c'était vraiment rigolo. On a dormi dans une coloc de la coloc de Malicious Algorithm. Ils ont un garage qui est une salle de répète, studio d'enregistrement, ça défonce. Et c'est aussi le soir où on nous a offert beaucoup trop de weed. Genre beaucoup trop. Ouais, mais genre vraiment. Mais c'est légal. Ouais, c'est légal, mais quand même. Donc on peut en avoir plein. Ouais, mais quand même, quand on te file 14 grammes en une fois, c'est quand même. 16. Ouais, c'est quand même vraiment. 16 grammes. Je me souviens plus. Ça, c'est... Et ça, c'était Clopo, hein. Il y en a eu d'autres. Ouais, côté, parce que. Ça, c'était en one shot. On a eu, ouais, je sais pas, ils nous ont filé 20 grammes de weed sur la soirée parce qu'ils nous aimaient bien. Enfin, bref. N'importe quoi. Et vu que nous, on est sains, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On l'a mis à la poubelle, bien sûr. Mais là-bas, on avait le droit. Non, on a tout fumé pur. En même temps, il fallait finir. En une nuit. C'est bien. Et ouais, c'était rigolo, et puis Eureka, quoi. Enfin, c'était quand même complètement incroyable comme lundi soir. Wow. Et ouais, du coup, c'est un lundi soir aussi. Jusque-là. Lundi serait moins bien, mais là, c'est un lundi. C'est un lundi qui a duré tard en plus. Mais genre, c'était chaud, on était bien. C'est les gens qui ont apparemment l'habitude d'accueillir des groupes en tournée, tout ça. Il y avait plein de petits mots de petits groupes qu'on rencontrera après en plus. Des groupes hollandais aussi qui avaient signé sur leur mur. Je sais pas le prononcer. Azijn Pisser. Azijn Pisser, ouais. Mmh. Ils ont signé sur le mur là-bas. Vinaigre. Mmh. Exactement. Et du coup, là, c'était un peu le. Ouais, là, on était vraiment dans la série de lieux complètement improbables. Puisque le lendemain, on est donc allé au Hippie Museum de Eugene, Oregon. Du coup, on est arrivé dans l'Oregon et on a traversé des forêts de séquoia pendant des plombes et des plombes et des plombes. Ouais. Et c'était très joli, même c'est si on n'a pas pu s'arrêter. C'est marrant parce que quand tu conduis aux États-Unis, t'as des centaines de kilomètres de nature complètement sauvage. Il y a des animaux, il y a des bêtes. On les a pas vus. Il y a des bêtes, mais on m'a dit en off qu'il y avait des bêtes, mais pas forcément à cet endroit-là. Ouais. Mais le truc qui est rigolo, c'est que t'as des centaines de kilomètres de nature, mais c'est clôturé partout, tu peux pas aller te balader. Et puis après, t'arrives dans des villes où c'est l'enfer du plastique et du béton et du pétrole. Quoi. Enfin, t'es en train de raconter les Landes, en fait. T'as été un peu trop au musée du hippie. Attends, c'est pas comme chez nous, même s'il y a une barrière, on passe, on boit des coups. Là, ils tirent à vue, les mecs. Hein. C'est les États-Unis. Vous êtes des sangliers. Et on n'a pas vu beaucoup d'animaux, mais on a vu des gars qui faisaient du char à voile dans le désert près de Vegas. C'est vrai. Ah, c'est classe. Pas des animaux, mais... J'aime bien l'analogie avec les animaux. Oui, non, bah, c'est ce qu'on... Elle dit qu'elle voit pas le rapport. On est passé devant tu le sens à 2 km, donc t'arrives. On est passé devant l'usine Burger King, mon pote, c'était l'enfer. Ouais, je sais pas, sur combien de kilomètres. Ah ouais, il y avait des milliers de vaches qui défilait, c'était horrible. Sur le retour, j'avais mon masque FFP2, j'attendais le passage. J'étais là genre, non, je veux pas voir ça, mon petit truc pour les yeux, là, pour dormir. Hein, bon, et du coup, on a déjà raconté le musée hippie, mais quand même, on a joué avec un groupe dont on n'a pas retrouvé de morceaux, mais c'était vachement bien, ça s'appelait Root Deer. C'est un truc de... Le jeu s'appelle Root. Ouais, voilà. pas mal. Et du coup, c'était drôle parce que le batteur, il avait un gilet jaune, donc on lui a demandé si c'était pour les gilets jaunes en France. Et il a dit non, c'est parce qu'avec mes deux petites baguettes, j'ai l'impression d'être un mec qui fait atterrir les avions. On appelle ça un chien jaune. Voilà. En vrai, on appelle ça un chien jaune. Et ben voilà, c'était le on a dormi chez Schmeck d'ailleurs, il y avait une teuf chez lui. Il a été incroyablement surpris quand je lui ai sorti des fleurs, enfin des trucs. Je me rappelle, il s'est passé plein de trucs. On a creusé les citrouilles, on a fait pleurer des gens. On a fait du scooter. On avait joué avec Narc encore et on avait récupéré leur merch guy qui avait été super sympa jusque-là et qui s'est avéré être un énorme relou quand il est bourré. Il s'est fait virer par le mec, le chien jaune. Du coup, à la fin de la soirée, je lui ai dit non, c'est fini. Il a demandé à deux clodos. Ouais, il a payé $2 à des clodos qui traînaient pour passer au-dessus de la barrière pour pouvoir rentrer dans la maison à 7h du matin. Enfin bref, c'était n'importe quoi. On a bien rigolé. Et moi, je suis allé, du coup, je me suis réveillé tout et je l'ai retrouvé. Et on est allé chercher des cafés et le mec il avait réussi à se faire tricard de la station service parce qu'il avait trop foutu le bordel. Ah, c'est un artiste. Et du coup, ouais, il avait mis la barre très très haut, c'était marrant. Il avait essayé le grab and go. Non, je sais pas, je crois qu'il a voulu acheter des trucs, il a tout renversé, il a payé avec des dimes et tout, enfin l'enfer. Ouais. T'as un super pouvoir, hein, faut le développer. Ah bah ça ouais lui. Mais en plus c'était marrant parce que le gars Lui il est tombé dedans quoi, tu vois. Voilà. Et à côté de ça, le mec il avait un patch punk for Roger. Il avait des fanzines et tout. Enfin, mec sympa en vrai, hein, mais juste faut pas qu'il boive quoi. Ouais. Comme les. Bah, de toute façon, on a commencé à se douter que ça allait partir en couille qu'au moment où il a. Tu sais, le picon s'il vient en France. Il a fait il a fait le truc d'Éricain là où tu fais un trou dans ta canette et tu la bois en deux secondes en cul sec. Là. Il a carrément explosé sa canette avec son pouce, ouais. Ouais, le gars était beaucoup trop chaud. C'était sa soirée sur un peu forcé même en plus quoi. Et c'était un lundi. Non, ça c'était mardi. C'était mardi. Et du coup, mardi c'est déjà le. Et du coup, c'est le week-end. C'est le début du week-end. Du coup, les costumes à 150 000 $, les tentures de Bob Dylan. Et puis, un mec qu'on nous a présenté dans le musée hippie, qui est apparemment méga connu dans la scène hippie, et personne ne le connaissait. C'était vraiment l'enfer. Ils vendent des manches de guitare qui ont appartenu à des mecs. Même tu tapes sur Google, il te met 404 erreurs. C'est cher, hein, c'est cher. Mais vous aviez pas aussi rencontré le fils de je sais plus qui. Alors, ça, c'était à Los Angeles. C'est vrai que ça, c'était quand même la grosse anecdote. À la fin du concert, il y a un mec qui vient me voir et qui fait: putain, mon pote là, bah, c'est le neveu de Jodie Foster. C'est là, non, c'est pas possible. Tu mens. Fais si, attends, je te le ramène. Et là, le gars m'a tenu la jambe pendant un bon quart d'heure pour me raconter à quel point la famille c'était de la merde, mais que Jodie, elle était cool quand même. Ah. Voilà. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais j'aime à croire que ça l'est quand même. Ça l'est. Que... Oui. Et moi, si je te dis que je suis la nièce de Jeanne Masse, c'est cool. Bah, ça, c'est quoi je t'ai mis. Parce que c'est un peu une photo quand même. Je n'ai pas retrouvé le kid après. Mais en même temps, c'était la soirée à Los Angeles où il y avait vraiment beaucoup de jeunes complètement défoncés et puis ils avaient des cagoules avec des logos de black metal sur le front. Enfin, c'était bizarre. Il y a pas mal de gamins ce soir-là qui se sont envolés direct à force de tenir les ballons. je te jure, il y en avait partout. On s'entendait pas parler. Ça fait. Et toi, ça. Arrête, j'ai dit. Bref, non, c'est pas vrai, je plaisante. On a quitté l'Oregon pour aller dans l'état de Washington et on est allé à Seattle. Et à Seattle, on a joué au Cherry Pit, qui était un lieu. Genre de centre d'art autogéré. Attends, j'ai une autre anecdote aussi. À Sacramento, il y a un mec qui est arrivé et qui était au concert de Power Metal. Donc vous vous rappelez, il y avait un bar qui faisait du Power Metal. Et il y a un mec qui allait au concert de Power Metal et qui est passé par curiosité voir ce qui se passait à côté. Et qui est allé voir Mika Omerch et qui a fait: Jodie Foster de France. On était un peu contents. Voilà, c'est l'anecdote pour la fin. Et du coup, à Seattle, on a joué donc au Cherry Pit. C'est un lieu, un centre d'art autogéré qui venait d'ouvrir dans une ancienne épicerie asiatique. Et on pouvait boire des canettes à l'intérieur. Pas les acheter, mais là on pouvait boire à l'intérieur. Ouais. D'accord. Sinon c'est pas possible. On s'est perdu, il y avait trop de règles. Des fois tu pouvais boire dehors et pas fumer dedans. Des fois l'inverse. Enfin bref, c'était compliqué. Du coup nous on a fait des expériences. Ouais. On s'est fait engueuler quoi, mais on a essayé plein de choses. Et vous avez été obligé de mettre vos bouteilles dans des. Mais évidemment. Jay l'a fait. Le premier soir, c'est une photo. Il faut qu'on active parce qu'il restait qu'un quart d'heure. Alors à Seattle, c'était bien. Pour un centre d'art autogéré, ils ont l'air de faire beaucoup de concerts de punk hardcore quand même. Mais c'est de l'art. Un accueil trop cool on s'est bien senti là. Ouais, puis là pour le coup il y avait des groupes de punk, du punk un peu. Donc ça c'était pas mal. Et puis peut-être qu'on peut parler avant de passer le petit bloc, on peut faire vite fait la date du lendemain à Olympia à Washington, qui est donc la ville de Kurt Cobain. Mais tout le monde nous l'a dit, donc on le dit. Et on devait jouer, on l'attendait celui-là, parce qu'on devait jouer avec Electric Chair, et on était vraiment impatients parce qu'on les avait vus en Pologne l'été dernier, et c'était cool. Et en fait, ils sont pas venus. En fait, ils étaient pas au courant. Du coup, on a quand même dormi chez eux, mais ils ont pas joué. Et on s'est retrouvé à jouer avec des groupes de très très jeunes qui sont mis une caisse de ouf pour envoyer jouer. Du coup, enfin bref, c'était pas la meilleure soirée, mais on a quand même bien rigolé. Ils ont recouvert ma caisse claire de location de faux sang dégueulasse. Ah oui, non, mais pas de location, parce qu'en fait, on a acheté du matos, et aux États-Unis, tu peux rendre le matos facilement. Du coup, au bout de 14 jours de tournée... Bof, j'aime pas trop. Je suis pas convaincu. Donc on a quand même rendu les cymbales et la caisse claire. C'était quand même... on n'y croyait pas trop, mais apparemment, ça se fait. C'est des choses qui se font. Et voilà. Et du coup, on a à Seattle, on va peut-être en passer qu'un des deux, parce que on a joué avec un groupe qui s'appelle Ransom, des petits jeunes. C'était vachement cool, un peu 10 bits bagarre, là. C'était cool. Et puis, on a joué avec The Conviction, avec un espèce de... Et moins jeune. Des, pour le coup, là, vachement jeune, moins jeune. Mais c'était bien aussi. Mais par contre, leurs morceaux sont trop longs. Donc, on va peut-être passer que Ransom, non? Ouais. Je t'en pense. Allez. Le morceau Insanity, sorti en 2022 sur la démo numéro 2. Il reste 10 minutes, là. Il va falloir qu'on fonce. On va foncer. Faster, ouais. Alors, du coup, après Olympia, on est resté dans l'état de Washington. On est allé à Bremerton et on a été accueillis par Angel et. Je ne sais plus. Andy de Generation Decline qui se sont vraiment mis bien. Ils ont une maison où tout le sous-sol est un squat allemand pour accueillir des groupes. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. C'est clair, c'est ils ont en plus acheté un vieux cinéma qu'ils ont transformé en salle de concert et on a joué avec plein de groupes trop cool qu'on va pas avoir le temps de passer. Mais du coup, il y avait quand même Filth is Eternal et c'était vachement bien. Et puis il y avait aussi Narc, c'était la dernière date qu'on faisait avec eux. Et franchement, grosse soirée, c'était vraiment très cool, c'était vraiment très très très très très très bien à Bremerton, alors que c'est pour le coup c'est quand même vraiment un bled paumé. Bref, c'est ça, hein. On vous passera un Generation Decline après, mais en tout cas ouais, c'était Bremerton, ça restera dans nos cœurs. Après on est allé à Portland, notre date a été annulée et en une petite journée les copains se sont mobilisés et on s'est retrouvé à jouer avec des groupes de ska punk, ska core. Mais franchement, je suis contente qu'on ait pas assez de temps. Attends, ouais non, ça on avait pas retrouvé les morceaux, mais quand même les gens ils nous ont mis sur la date, ils nous ont filé à manger, ils nous ont filé à boire, ils nous ont filé des sous et ils nous ont trouvé un hébergement le soir même. Et ça, c'était quand même le meilleur accueil qu'on ait eu. Et ça, c'est le dernière minute, c'était le meilleur. Ouais, ça s'est joué en 4 heures de temps et ils ont fait le meilleur accueil qu'on a eu sur la tournée. Donc c'était quand même bien la folie. Et le concert était cool. Et le concert était très cool. Les dispensaires autour étaient vraiment moins chers que. C'est vrai. Ce soir-là, qu'on a dormi à l'hôtel. Si, mais ils avaient quand même trouvé un hébergement. Mais on a dit non finalement. Mais ça, c'est l'anecdote de Jay. Il a dormi à l'hôtel. Moi, je me rappelle surtout qu'on a fumé des blunts et que c'était vraiment difficile le lendemain. Oui, mais on avait le droit. Et le lendemain, en plus, on est parti. Du coup, on était sur la route de Portland à Auckland et c'était 10 heures de route et c'était vraiment très long. Et du coup, comme j'en avais marre de l'autoroute qui allait tout droit au milieu du désert avec personne, bah, j'ai accéléré un petit peu et on s'est fait arrêter par les flics. Par l'officer Mason qui nous a dit bah vous roulez un peu vite. Alors c'est vrai que j'étais à 110 miles au lieu de 60. Mais habilement, je lui ai dit oh sorry officer. Et je lui ai dit que j'avais confondu les miles et les kilomètres. Et c'est passé. Excellent. Alors que sur le tableau de bord, t'as quand même les deux. Hein. Ouais, heureusement qu'il a pas regardé le tableau de bord parce qu'il y avait les deux, effectivement. Et du coup, on est arrivé à Auckland où on s'est retrouvé dans un concert. On va pas avoir le temps de passer False Flag, chier. Viens, Generation Decline, ils sont venus plein de fois, on passe False Flag. Ah ouais, je suis d'accord. Generation Decline, c'est quand même mythique, donc on va passer les petites jeunes de False Flag. On est arrivé, il y avait dans ce bar complètement fou, là. En plus, on s'est fait interviewer par un hot dog géant à la fin, c'était vraiment bizarre. Ouais, et puis c'est là qu'on a dormi chez des clodos qui nous ont dit bah nous, on a un endroit où dormir si vous voulez, parce qu'on avait dit qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. Et en fait, ils squattaient un énorme magasin. Enfin, c'était le parcours du combattant pour rentrer. Et puis, ouais, enfin, il y avait une machette, Jay, il a eu peur. Bref. On a Block Rush, big up. Et du coup, on s'est retrouvé. On est arrivé, il y avait deux nanas et un mec en habit de bagnard, les tenues orange, là, qui nous ont fait un espèce de punk hardcore de l'enfer. Et c'était vraiment ultra vénère. Ils avaient 16-17 ans en plus. Ils avaient 16-17 ans et c'était vachement bien. Et du coup, on peut peut-être se passer ça vite fait là. Slave to Chaos. Allez, False Flag de San Francisco. C'était donc False Flag de San Francisco. J'ai vu que j'avais fait des fade out et tout. C'est bon. Il reste 4-20. Ouais, et bah du coup, il nous reste un gros 2 minutes de musique. Donc, on finit rapidement. Là, il restait deux dates. On a passé Halloween à San Clemente en Californie. Génial ça. Autant dire que c'était encore une très très longue route. Et on a joué du coup dans un cul-de-sac avec un groupe électrogène. Et les gens étaient déguisés et on était dos au désert et il y avait des groupes de métal. Les Coyotes. Dont Exitosus. Dont Exitosus qui nous a beaucoup fait rire. Mais rien que pour le nom. Et c'était cool. C'était quoi ça? Oui, il y avait Garfield. Il y avait Garfield. Il y avait un mec en costume de Garfield dans un circle pit. C'était quand même le soir d'Halloween. Un truc. Et le costume de Garfield quoi. Ouais. C'était. On s'est cru à l'obstiné extreme mais dans un cul de sac. Et puis on a fini à Las Vegas. La dernière date, c'était à Las Vegas, c'était au Barrio Bowl. Et le Barrio Bowl, on a joué avec les Swamp Brains qu'on avait vu sur la deuxième date. Et puis on a joué avec, parce que du coup on a fait sud, nord, sud, et on a retrouvé les groupes du début. Et on a joué surtout dans un bowl, du coup, dans le jardin de quelqu'un qui avait vidé sa piscine. Et il y avait des skateurs qui skataient entre les groupes. Et du coup, il y avait plein de Mexicains à cheveux longs qui ridaient comme des oufs. Et en même temps, il y avait des groupes de Texans avec des moustaches, des Santiago et des chapeaux, des Stetson, et des montres dorées, non, et des sangles en chaîne, et qui jouaient du métal. Et on a bien rigolé quand même. C'était bien rigolo. C'est là qu'on a vu que nos fans c'était quand même vraiment les plus cons. Et voilà. Et du coup, ouais, bah tu les aurais vu se mettre sur la gueule dans le bowl. C'était quand même. C'est des cons, Johnny Pasteur aussi. Mais bref, on a quand même bien rigolé, même si on n'a pas été payé sur cette date, alors que le mec il s'est fait $600 à louer son bol pour skater en écoutant de la musique. Bref, Vegas c'est Babylone, il faut pas y aller, c'est quand même. Enfin, sauf Jay, il va y retourner, mais on s'en fout. Oui. Allez, on a gardé le meilleur pour la fin, enfin le meilleur je sais pas, mais en tout cas on a gardé nos copains de Corrupt Vision, Tommy qui nous a booké toute la tournée et qui a un travail de dingue avec son label. Et... ouais, label qui s'appelle No Time Records, et c'est lui qui a été vraiment adorable tout du long. Et du coup, on s'écoute un petit Corrupt Vision pour finir. Et quand même, on n'a pas le temps de le dire, mais on est en tournée pour 4 jours là avec les copains de Rage Decision, et on va pas pouvoir en passer parce qu'on n'a pas le temps. Mais Corrupt Vision, c'est maintenant. Et Rage Decision, dimanche ouais. Au Pits. C'était Jody Faster sur Pyongyang Kirokers numéro 272. Rendez-vous la semaine prochaine, on n'oublie pas. À 4.